trois petits tours et puis s'en vont. Une enquête du commissaire Gino Volpi par Jean Darrigue. Prologue. Bon, les hommes, nous allons vous laisser. N'oubliez pas de nettoyer les grilles du barbecue et de ranger la vaisselle. Ne nous attendez pas avant 19h. À plus. Dans un cliquetis de talons et un froissement de jupe, Gilda, splendide brune et épouse de Volpi, Lisa, sa fille, Sylvia, l'épouse de Michaud et Cathy, la fille de Pardo, nous laissent sur l'immense terrasse, affalées dans des transats, comme des phoques sur une grève. Elles se rendent à une exposition immanquable à la vieille charité. Ceux qui vont les rencontrer seront heureux de contempler non pas les pièces exposées, mais leurs peaux satinées dorées, leurs jambes musclées au galbe parfait et leur allure élégante un rien provocante. Par les hommes, il faut entendre Gino Volpi, divisionnaire en retraite chez qui nous venons de déjeuner, Michaud, divisionnaire aussi, mais encore en activité pour peu de temps, et Pardo, ancien commissaire des stupes. Quant à moi, l'intrus des services de police, je suis là par protection. Car j'écris ce que ces trois-là me racontent, ce qui les amuse beaucoup. Ils ne pourraient pas inventer des grilles jetables, ce qui nous éviterait de les gratter à chaque fois comme des malades, s'exclame Volpi. Rien ne t'empêche de les jeter, plaisante Pardo. Moi, de toute façon, je ne m'aperçois jamais qu'elles sont propres. Miro comme une taupe, celui-là, s'écrie Michaud. Pourquoi tu ne t'es pas fait opérer? C'est au point maintenant. Bon, tu sais, depuis le temps, je me suis habitué et je crois que si je voyais bien tout d'un coup, je risquerais d'être déçu. Tu veux parler de ta femme, Pardo? Bien sûr, Gino. C'est facile de se moquer quand on a un canon comme la tienne. Réflexion en fait, rien que pour elle, je voudrais voir mieux. Je sais, je sais. C'est pourquoi tu la regardes de si près. Ces trois-là, il faudrait les inventer s'ils n'existaient pas. Moi, je me marre comme une baleine, mais je me demande s'ils ne me jouent pas chaque fois la grande scène du deux pour que je relate leur galéjade. Tu as vraiment une belle terrasse, dis-je à Volpi. Et c'est toi qui t'occupes de toutes ces plantes? Non, pas vraiment. Moi, je pulvérise et j'arrose. J'arrose aussi la voisine d'en dessous, d'ailleurs, car quelquefois j'inonde, paraît-il. Gilda m'a dit que vous allez avoir une serre, là, dans le fond, s'enquiert Michaud. Il n'en est pas question, s'offusque Volpi. Ça va nous prendre de la place et je suis sûr qu'au bout de quelque temps, il ne s'en servira plus. Alors, pas de serre, niente. Nous rêvasserons quelques minutes, jouissant du cadre et de la température idéale. Il fait beau et exceptionnellement, sans le moindre souffle de mistral. Tiens, le plumassier, reprend Volpi à mon adresse, à propos de serre. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'enquête que nous avions mené à nos débuts avec Serge? C'était du côté de Puy-Ricard. Tu te souviens, Sergio? Les deux frères qui se bouffaient le nez? Michaud le regarde dans le lointain, perdu sur la route de ses souvenirs. Tout à coup, il se redresse dans sa chaise longue et tend l'index. Ah oui! Au départ, il y avait eu une fille morte, au bord d'une route, c'est ça? Voilà, tu y es. Effectivement, c'était pas mal du tout. On ne s'était pas ennuyé. C'était le bon temps, ce Bertrand. Raconte-lui. Je me cale dans ma chaise longue, mais avant je tiens à préciser un détail. Ne m'appelle pas plumassier, Gino. Un plumassier, c'est celui qui fait les trucs en plume. À la limite, tu peux m'appeler plumitif. C'est le mot qu'on utilisait en argot. Ouais, bon, bah, pour plumitif. Ne commence pas à chicaner. Alors voilà. C'était au début des années 60. Ma femme et mon fils avaient été assassinés l'année d'avant et ce grand pandard, désignant Michaud, était mon inspecteur divisionnaire. À cette époque déjà, nous étions devenus copains comme cochons. Un beau matin, en arrivant au commissariat, place Jeanne d'Arc, le planton ne me laisse même pas le temps de monter dans mon bureau.